Hey my friend, j'ai lâché une super session et je suis trop content de te retrouver. Salut copain. Comment ça va bien? Ah, ben moi aussi, je suis ravi que tu sois là. La justice. Quoi de neuf? Un petit gain de cause dans un bras de fer administratif. On me donne presque ce qui était prévu au départ, avec juste un mois de retard. Juste ah ouais. La parole donnée. Sachez, mes amis, qu'en direction des ressources humaines, la parole donnée n'a aucune valeur. Ces gens-là administrent des contrats. Univoque, unilatéral, sans honneur. Ils ont pas besoin de toi. Encore une petite déconvenue dans ce nouveau millénaire. Essayons de combler les multiples injonctions paradoxales qui me compriment les chevilles. Des pieds jusqu'au cerveau. Ça va assez vite. De la racine jusqu'à la cime. Les pieds jusqu'au cerveau. On est crête. Ça va assez vite. Ouais. Les données sont bien écrêtées de nos jours. Le vrai n'est plus qu'un moment du faux. Ouais. On nous l'avait dit déjà depuis longtemps dans sa société du steak. De bord, de tous les bords. Le vrai, c'est juste un moment dans le fond. De tous les bords, de tous les temps. De bord et d'abord le vrai. Devient un moment. Marche. Faut qu'on se rallie à quelque chose. Faut qu'on se cache. Faut qu'on se rallie à transformer quelque chose. Faut qu'on se lâche. Tout ce temps que vous êtes lâche. Prise. Les deux doigts dedans. Lâche. Les pieds jusqu'au cerveau. Et le mot. La parole qui fut le départ n'a plus rien de vrai. La valeur de la parole n'est pas notre sujet. N'a plus rien de vrai. La parole donnée n'est pas notre sujet. Comment font y avait? Tu signes ton contrat, on verra après. Un beau théâtre d'opération d'une guerre économique qui ne dit pas son nom. Un truc de fou, un truc de dingue. Qui te remonte des pieds jusqu'au cerveau assez rapide. Un truc de dingue, un truc de fou. Cache-toi. Cache. enfouis-toi, suis-moi en dessous. Lâche les deux doigts dans la prise, lâche. Mais si d'abord le contrat prise à l'aveugle sur tous les bords, tu me crois pas, c'est que Guy. Je peux pas te faire confiance. Welcome my son, welcome to the system, welcome my love. Ferme les yeux. Juste au moment où je me disais qu'il fallait que je me restaure. La violence du système te rattrape. Juste au moment où tu croyais encore pouvoir faire confiance. Na na na, welcome my friend, welcome my friend, welcome to the system. Au moment où, où je voyais que c'était en rhizomatique système, que finalement ça s'organisait, que ce sur quoi j'avais juste un petit peu de pouvoir, c'était un petit cercle intime, familial, collègues, des amis, tout petit, éloigné encore dans un conflit. Peut-être l'ego, l'ego ne sait plus jouer. Avec la réalité, la brique, la première brique, l'ego, Play-Doh. L'ego, car je pense donc je joue. Oui, Play-Doh. Je pense donc je suis. Si je joue, je suis. Ne sais plus jouer. Je pense donc je joue. Je pense donc je jouis. Je sais. Et je suis, je sais. Et je fuis, et c'est. I wish I wanna be black. Block, black, block. I wanna be a black block, block, black. Wanna be a black block, block, block, boom, black block, black block. Wanna be a black block, black block, black block. Moi je just wanna be a black, black, black, black block. Je gratte le joint. It's burning France. Je pousse la brique. It's burning from. Je sape les fondations. Ça fera moins de mal à mon crâne. Plus loin. Comme. L'ennemi de la nation. Terroriste intellectuel. Tu fais des morts avec tes idées. Toi qui ose penser qu'il y a des choses à changer, tu dois saigner, tu dois t'excuser d'avoir des idées. Black. Demander block. Juste des bonnes conditions de travail, black. Un truc normal, block. Un contrat. Contrat social, pas de coup de cutter. Black, block, black. Dès le début, ça la fout black. Mal. Block. Comment veux-tu que je consente active pas des blessures. Truc de fou, un truc de dingue. Oh putain, elle a pas vu venir. Devant l'évidence de la catastrophe, il y a ceux qui s'indignent, ceux qui prennent acte. Dame du temps, mon et il y a ceux qui s'organisent. D'une manière ou d'une autre, créons des rhizomatiques. Les résistances internes, les derniers process de résilience. Et regarde les oiseaux. Nécessaire. Danse au pied du volcan. On le sait. pensais déjà. Néron déjà. On veut tous vivre une vie comme si elle était dorée. Association d'idées fumeuses. Nico. C'est ce qu'on veut nous faire croire. La compétition, la permanent. Mais c'est faux en fait, majoritairement on coopère. On fait ensemble. Dans la réalité vraie, on sait qu'on a besoin de l'autre. Face à l'éternité, face à la mort, à l'obscur. Suspendu. Un moment volé, un moment pris. face au vent. En formation, c'est mieux. Face à de la pluie, comment le soleil. Ça cherche encore. Depuis tout ce temps, je ne m'y fais pas, je ne m'y fais pas. Comment ça se fait qu'on n'en ait pas parlé? Mais Manu s'est fait violer à 15 ans, il est toujours avec Brigitte, il est toujours coincé. Comment ça se fait qu'on n'en ait pas parlé? Comment un commun, comment un bien commun? Qui appartient au tien, au tien et au mien? Comment un commun, comment un commun? S'accaparer autant de gens donnent leur consentement à tout. Comment je ne comprends pas pourquoi on n'a pas parlé de tout ça. Que Manu il ne soit toujours pas sorti des bras de celle qui l'a violé quand il avait pas encore beaucoup de faux. Allez, comment un commun, comment un bien, comment un bien, comment un connard, comment un nain, comment ça se fait qu'il ait pu être, il a pas d'enfant, il voit pas dans le temps. Et la rillette de veau, et le vrai du faux, je veux de la rillette de veau. Trier le vrai, trier le vrai, trier le vrai, qui est le vrai du faux, je veux la rillette de veau, la rillette de veau. Je veux trier le vrai, je veux trier l'ivraie. Je veux trier le vrai, je veux trier l'ivraie, je veux trier le faux. I follow you. Okay, okay. Et j'ai trié Aline pour qu'elle revienne. I follow. Rien. avec l'association Descendants. Je représente les sans-gorges, les sans-yeux, les sans-mains. Hein. J'ose même pas dire les sans-pieds. Rouge. Tel point que le pied en tel rouge moment. Sans main. Rouge sans-mains. Sans-dents. Sans voix. Le plusieur. Ma pipo, ma family, ma friend. Allez, que ça envoie le sang. Paris. Le jeune homme harassé, déchiré ses cheveux. Le jeune homme hérissé, arraché sa chemise. Bassin d'emploi, la violence. Du côté du symbolique, te surprendre, te prendre par derrière. La violence te casse la bassine sur le dos. Tout ça, j'exige des excuses. Thank you. Faire dans cette grande foule.